me sens si bien tout à coup. Ne dis pas n'importe quoi. Tu es aussi vive qu'un labrador. Dès que je suis près de toi, j'ai l'impression que je m'agrippe au buzzer d'un géant. La bonne ne fait que bouger et le monde de tourner. Mais Anna, toi ne change jamais. Cheveux grisonnants, ma vue baisse fréquemment. L'important, c'est qu'on soit vivant. Tu es mon petit fromage qui sent meilleur avec le temps. T'es comme un virus sans vaccin. Je n'y peux rien, ta fille me fait du bien. Eux disent j'en veux plus, d'autres que c'est foutu. Mais moi, chaque jour, j'en veux plus. Ne change rien pour moi. Te dégarder et j'aime ta calvitie. Oh Wilbert, ne change rien pour moi. Mes cheveux sont pas très beaux, pourtant je mets plein de rouleaux. Tu dis que je suis chic et j'aime ça. T'es comme un bon vieux vin âgé, âgé, qu'on sait apprécier. J'en reprendrai bien encore un peu. Me serre les fesses pour qu'on dure tous les deux. J'arrête pas de manger et tes cheveux de tomber. Demain, il ne restera rien. Alors chauve qui peut, moi je mange pour deux. Hey, tant qu'on est heureux. Oh, t'es pas très très classe, parfois même il y a des gaz. Mais on les oublie une fois passé. Mais qui peut oublier Hippery, le temps à t'écouter. Oh mon vieux, il a plu. On danse mon vieux. Oh, tu te rappelles Fantasia, Madame Hippopotame. Comme une voiture à la casse, un coup de peinture et puis ça passe. Anna, tu sais comment me rendre fou. T'es vieille et grosse, c'est toi que j'aime après tout. Certaines qu'on n'aime pas, mais nous on s'en fait pas. Le temps est toujours avec moi. Et comme c'est bon de voir qu'encore ce soir, on garde encore espoir. Tu seras toujours au top. Des hâtes, ne change rien pour moi. Ah, ah, il est au bout du jour. Il y a du monde, hein. Ne change rien pour moi. Tu seras toujours pour moi. Regarding, dis-moi. Ne change rien pour moi. Ne change rien pour moi. Ne change rien. Toi, toute la chanson, c'est des hop-hop, toi, hein. Coquille. Ne change rien pour moi. Je peux sentir ta cloche si bonne. Shabbat shalom. Bah, je savais pas que t'étais juif. On peut pas faire de différence. Bien sûr que je peux. Ne change rien.